Chapitre 7. Quand la CIA se faisait auditer. Le 20 décembre 1956, quelques semaines avant de quitter la présidence, Dwight Eisenhower reçoit un rapport commandé par lui sur le service clandestin de la CIA. Eisenhower n'a pas été le moins notable des commanditaires de l'agence. Comme on l'a vu, il a personnellement autorisé diverses actions meurtrières, comme au Guatemala ou au Congo. Toutefois, vers la fin de son mandat, il est pris de doute sur l'efficacité réelle de la CIA et sur la belle assurance d'Alan Dulles, jamais pris au dépourvu par ces questions, mais qu'il a déjà surpris en flagrant délit de mensonge sur la présence de l'agence dans telle ou telle partie du globe. Quoi qu'il en soit, Eisenhower veut que l'agence soit régulièrement contrôlée et rende des comptes précis. C'est pourquoi il commande un rapport à l'ambassadeur David K. E. Bruce, un des meilleurs amis de Frank Wisner, le patron du service clandestin. Bruce a quelques titres à faire valoir pour ce travail. Ancien numéro 2 de l'OSS à Londres pendant la guerre, nommé ambassadeur en France par Truman après la guerre, candidat malheureux au poste de patron de la CIA en 1950, il en sait long sur les opérations secrètes de l'agence et reçoit l'autorisation d'interroger qui il voulait. Du fait de cette position privilégiée et de sa sympathie a priori pour l'agence, son rapport n'en est que plus terrible. Publié, il aurait signé l'arrêt de mort de l'agence, mais il n'a jamais été déclassifié. Et ce n'est qu'en 2007 que le journaliste du New York Times, Tim Weiner, l'a dévoilé dans un livre sur la CIA. Que dit ce rapport ? En substance, que la CIA se gouverne toute seule et décide de son propre agenda, qu'elle impose aux politiques plus qu'elle ne suit leurs demandes, que des opérations secrètes conduites en roue libre ne sont ni très discrètes ni forcément efficaces. Dans certains cas, elle implique les États-Unis dans des situations à peine croyables. Sans commentaire. Sur le point de quitter le pouvoir, Eisenhower ne put engager aucune réforme de la CIA. Alan Dulles prit grand soin d'enterrer ce rapport pour ne pas donner de mauvaises idées au nouveau président. Extrait du rapport Bruce Lovett, rédigé pour le président Eisenhower. Source, Tim Weiner, Legacy of Ashes, Penguin, 2007. La conception, la planification et même à l'occasion l'approbation elle-même des opérations clandestines, très importantes pour nos politiques militaires et étrangères, sont de plus en plus du ressort exclusif de la CIA, opérations financées en grande partie par des fonds non répertoriés de l'agence. Ceci n'est que le résultat inévitable de la structure, du système et des personnalités concernées par la mise en place et la conduite de telles opérations. La CIA, agence très active, riche et privilégiée, aime ses responsabilités de « king-making ». L'intrigue est fascinante, un contentement de soi considérable, parfois accompagné d'applaudissements, va de pair avec les succès, mais aucune poursuite n'est engagée en cas d'échec, et toute l'affaire est infiniment plus simple que de récolter des renseignements secrets en URSS par le biais des méthodes habituelles de la CIA. Bien que ces opérations extrêmement délicates et coûteuses ne soient justifiables que dans la mesure où elles viennent soutenir les politiques militaires et étrangères des États-Unis, la planification à long terme de ces opérations et leur accompagnement continu, qui devrait émaner à la fois du département d'État et du ministère de la Justice, semble trop souvent manquer. Bien sûr, on mentionne toujours les objectifs suivants, rebattus et inséparables, contrarier les Soviétiques, et garder les autres pro-occidentaux. Quand on invoque ces objectifs, toute ou presque toute guerre psychologique et action paramilitaire peut être et est effectivement justifiée. L'initiative et l'impulsion données aux opérations de guerre psychologique et aux opérations paramilitaires sont la plupart du temps entre les mains de la CIA. Et une fois que les opérations ont été conçues, l'approbation finale donnée à tout projet d'opération, lors des réunions informelles du groupe interne au Comité de coordination des opérations, Operations Coordinating Board, OCB, peut au mieux être décrite comme pro forma. Quand ils sont sur le point d'être approuvés, les projets sont dans la plupart des cas transmis à la CIA et y restent jusqu'à leur conclusion. Ces opérations sont liées de manière inextricable à notre politique étrangère. Elles en dictent même le cours à l'occasion. Il semblerait donc qu'elles devraient non seulement avoir l'approbation préalable du Conseil national de sécurité lui-même, plutôt que de l'OCB, mais aussi être surveillées continuellement par ce corps. En fait, dans la plupart des cas, l'approbation d'un nouveau projet ne semblerait être que la simple ratification d'une proposition faite par le directeur des renseignements, DCI, en général sans exception péremptoire, par des individus préoccupés par d'autres affaires plus importantes pour eux. Évidemment, il y a une réunion du personnel préliminaire à chaque projet, faite par la CIA, et un rapport final, a posteriori, de ses résultats au CNS, mais même ce rapport a posteriori n'est fait qu'oralement par le directeur de la CIA, de manière confidentielle et naturellement non objective. À tout moment, les opérations de guerre psychologique et les opérations paramilitaires elles-mêmes, qu'elles soient le fruit d'un arrangement passé entre le secrétaire d'État et le DCI, qui décide en privé à chaque fois d'avoir recours à ce qu'ils considèrent être les meilleurs atouts à leur disposition, ou qu'elles soient laissées à la discrétion du DCI, mettent fréquemment en contact direct et continu les représentants de la CIA et les chefs d'État étrangers. Souvent, de telles relations ne sont en réalité que le prolongement de relations déjà établies à une époque où les personnalités étrangères impliquées pouvaient constituer l'opposition. Il est difficile de comprendre pourquoi c'est le représentant américain le plus haut placé d'un pays, c'est-à-dire l'ambassadeur, qui doit nécessairement traiter directement avec le chef d'État dans les affaires impliquant les relations officielles des deux pays. Évidemment, ce qui en découle de façon inévitable, c'est que les ressources de la politique étrangère américaine sont divisées, et que l'étranger, souvent l'ancienne opposition, qui est maintenant au pouvoir et qui sait bien avec qui elle traite, est incité à monter une agence américaine contre l'autre ou à utiliser celle qui sert le mieux son but. Ceci a pour corollaire le fait de priver les officiels américains de connaissances qu'ils devraient avoir pour s'acquitter correctement de leurs obligations. Il a été rapporté par des professionnels du renseignement qu'on se préoccupe beaucoup, au sein du département d'État, de l'impact qu'ont la guerre psychologique et les activités paramilitaires de la CIA sur nos relations étrangères. Les employés du département d'État pensent que la plus grande contribution que ce comité pourrait apporter serait de faire savoir au président les influences significatives et quasiment unilatérales que la guerre psychologique et les activités paramilitaires de la CIA ont sur l'élaboration elle-même de nos politiques étrangères, ainsi que sur les relations que nous entretenons avec nos amis. La CIA soutient et instrumentalise les médias locaux, des groupes de travail, des hommes et des partis politiques, ainsi que d'autres activités qui peuvent, à tout moment, avoir un impact des plus significatifs sur les responsabilités de l'ambassadeur local. Néanmoins, ces pratiques sont parfois totalement inconnues de ce dernier, ou seulement vaguement reconnues comme telles. Des différences d'opinion concernant l'attitude américaine à l'égard des personnalités et des organisations de l'administration locale s'établissent trop souvent. et plus particulièrement entre la CIA et le département d'État. Parfois, la relation de fraternité entre le secrétaire d'État et le directeur des renseignements peut fixer de façon arbitraire la position américaine. La CIA a des programmes de propagande. 5 lignes sont effacées ici, qui traitent probablement du financement par l'agence de douzaines de magazines, de journaux, de maisons d'édition et du Congress of Cultural Freedom, qui sont difficiles à reconnaître comme relevant des responsabilités qui lui ont été assignées par le Congrès et le Conseil national de sécurité. L'armée espère qu'elle aura la responsabilité des guerres non conventionnelles. Et il y a ici une divergence d'opinion quant à l'ampleur de cette responsabilité. On ne sait pas vraiment qui sera responsable des opérations de guerre psychologique ou des opérations paramilitaires en temps de guerre, ni comment ou quand ces responsabilités seront attribuées. Les opérations de guerre psychologique et les opérations paramilitaires, résultant souvent de l'intrusion de plus en plus fréquente dans les affaires internes d'autres nations, de jeunes hommes brillants, de haut rang, qui doivent constamment faire quelque chose pour justifier leur raison d'être, sont aujourd'hui dirigées partout dans le monde par une horde de représentants de la CIA, dont beaucoup, du fait même de la situation du personnel, manquent de maturité sur le plan politique. À cause de leur relation avec des personnages instables et sournois, et de leur application des thèmes proposés par leurs quartiers généraux ou développés par eux sur le terrain, parfois sur la suggestion d'opportunistes locaux, il faut s'attendre à voir, et l'on voit en effet, des choses étranges avoir lieu. Heureusement dans certains cas, malheureusement dans d'autres, les résultats de ces opérations sont relativement de courte durée. Si ces opérations étaient mises à jour, elles ne pourraient pas être niées de façon plausible. En effet, il semblerait très naïf de croire que l'implication américaine dans ces opérations est seulement connue du pays et des officiels du Parti communiste. Elle est connue de bien d'autres personnes, dont la presse. Et elle dérogerait à la réserve contenue dans le CNS, qui exige que le rôle joué par les États-Unis dans les opérations clandestines reste invisible. Est-ce que quelqu'un, quelque part, occupant un poste digne de foi dans notre gouvernement, ne devrait pas de façon permanente faire le bilan immédiat de nos déboires, Jordanie, Syrie, Égypte, en calculer l'impact sur notre place sur la scène internationale? Il faudrait garder en tête la question de la pertinence des effets à long terme de nos activités, qui ont entraîné l'abandon virtuel de la règle d'or internationale et qui, si elles sont couronnées du succès que l'on attend d'elles, sont responsables, dans une large mesure, de l'apparition des troubles, ainsi que des doutes à notre sujet qui assaillent beaucoup de pays du monde d'aujourd'hui. Qu'en est-il des effets sur nos alliances actuelles? Où serons-nous demain? Nous sommes sûrs que les partisans de la décision de 1948, qui lança ce gouvernement dans un programme de guerre psychologique et paramilitaire concrète, ne pouvaient pas avoir anticipé les ramifications des opérations qui en ont résulté. Personne, mis à part les membres de la CIA directement concernés par l'opération en cours, n'a de connaissances détaillées de ce qui se passe. Au vu de la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, il semblerait que ce soit le moment de se lancer dans une réévaluation et un réajustement réaliste de ce programme, accompagné peut-être de quelques éclaircissements sur notre implication et d'une mise à exécution plus rationnelle de nos activités qu'elle ne l'est aujourd'hui.